Enfin, les rugissements cessèrent pour faire place à des grondements étouffés. La queue cessa de battre les barreaux et le corps du monstre resta immobile, baignant dans une mare de sang. La frénésie du dompteur se calma immédiatement. Un voile passa devant ses yeux. Il trébucha et tomba dans les bras des garçons de piste qui, debout derrière la petite porte, étaient entrés dès que l'animal, désormais sans mouvement, eut cessé de leur inspirer de la crainte. Dès lors, ce fut dans tout l'établissement un tumulte indescriptible. Le dompteur était-il blessé grièvement? Le lion était-il mort? Jean Tabary, très émotionné par le spectacle auquel il venait d'assister, eut toutes les peines du monde à faire évacuer la baraque. Puis, dès qu'il eut fait fermer l'auvent de la ménagerie, il courut à la caravane où l'on venait de transporter le blessé. Déjà, un médecin qui s'était trouvé mêlé à l'assistance s'occupait à lui donner les premiers soins. Les blessures, bien que profondes, n'étaient pas graves. Il lava soigneusement le visage de Chausse Rouge, à demi évanoui, pansa les plaies béantes et tout de suite il put rassurer Louise qui se lamentait. « Je l'ai toujours dit, il est trop brave, trop téméraire, ça devait arriver. »« Ne craignez rien, répliqua le docteur, la convalescence sera longue, douloureuse, mais dès à présent je réponds de sa vie. » À côté du lit, Zézette considérait le blessé l'œil sec, comme si une pensée profonde la rendait indifférente à l'accident dont venait d'être victime son père. Profitant d'un instant où on l'avait laissée seule, elle s'était levée, s'était glissée dans la ménagerie et enfouie dans la cachette, d'où elle avait assisté la veille au dépeçage de Vermieux. Elle avait suivi toutes les phases de la lutte, d'où Chausse Rouge était sorti vainqueur, mais le visage en lambeaux. Comme hypnotisée par ce spectacle, pas un cri ne s'était échappé de sa gorge, et maintenant, dans sa petite tête, s'agitaient des pensées confuses, nullement étonnées d'une issue qui lui apparaissait la suite logique du crime de la nuit. N'était-ce pas le commencement fatal de la punition réservée aux criminels? N'était-ce pas le commencement de la revanche de Vermieux? Mais ni un mot, ni un geste qui pût faire soupçonner à quiconque quelles idées contradictoires bouillonnaient au fond de sa cervelle d'enfant. Elle n'éprouvait plus pour son père l'affection d'autrefois. Il lui semblait que son bon François était mort et qu'il avait fait place à un homme méchant, dont la vue ne lui causait pas d'horreur puisqu'il ressemblait à son père, mais pour lequel elle éprouvait une aversion instinctive. Aussi, quand Chausse Rouge revenu à lui et apercevant sa fille assise à son chevet, l'attira à lui en lui disant d'une voix lente « Tu as bien failli ne plus me revoir, fifille. » Elle hésita avant de lui tendre son front. Elle finit cependant par se pencher, puis quand il l'eut embrassée. « Tu aurais été orpheline, vois-tu ?» continua le dompteur. « J'aurais été retrouver ta mère, si je n'avais pas eu la force d'abattre Néron. Mais Louise aurait eu soin de toi, n'est-ce pas, Louise ?»« Peux-tu en douter ?» s'exclama la Tabary. « Ah, tant que je serai là, la pauvre petite ne sera pas malheureuse. Mais tais-toi, ne parle pas, ça te fait mal. Et le médecin l'a défendue. » Elle voulut prendre la petite fille sur ses genoux. Mais boudeuse, Zézette recula, repoussa les mains de Louise qui se tendait vers elle, et resta accoudée au lit de son père. Cette Tabary, elle la détestait, sincèrement, sans restriction. Et ce Jean, l'autre qui avait certainement poussé Chausse Rouge à commettre un crime? Ah, celui-là, elle n'eût jamais voulu se trouver en sa présence. Il était le mauvais génie de la maison. Que de fois n'avait-il pas fait pleurer sa mère? Et aujourd'hui, n'était-il pas cause si elle ne pouvait plus aimer son père? Cependant, Chausse Rouge, à qui revenait peu à peu la mémoire des fêtes, maintenant que la douleur légèrement calmée lui laissait un peu de répit, interrogea. « Et Néron, est-ce que je l'ai tué ?»« Non, répondit Jean, mais il n'en vaut guère mieux. »« Ah, dit le dompteur en fermant les yeux. » Et il n'en demanda pas davantage. En effet, aussitôt que les soins qu'on avait dû prodiguer à Chausse Rouge avaient laissé quelques répits, on s'était occupé de Néron. L'animal donnant encore signe de vie, on avait fait venir le vétérinaire. Grâce à l'état de faiblesse du lion, qui respirait à peine, on avait pu l'approcher, le panser, le faire glisser sur un lit de paille hors de la cage centrale et l'établir dans une cage voisine. Quand Tabary interrogea le vétérinaire sur l'issue probable de l'aventure, « Je ne puis rien vous dire, répliqua le praticien. Avec ces bêtes-là, on ne sait jamais. On les croit mortes et elles renaissent à la vie, comme par enchantement. Leur nature offre tant de résistance. » « La grande difficulté, ce sera de pouvoir soigner votre pensionnaire, quand ses forces seront un peu revenues. Ces animaux-là ont beaucoup de mémoire et beaucoup de rancune. Il y aura à l'avenir, s'il en réchappe, de grandes précautions à prendre. Enfin, vous croyez que nous le sauverons? Peut-être. Ah, tant mieux, songez donc, la plus belle pièce de la ménagerie. Dans la soirée, Chausse-Rouge eut la fièvre. On eut dû faire revenir le médecin. Celui-ci prescrivit un repos absolu, la diète, et dans la crainte d'un érysipèle, prodigua les antiseptiques. Mais après son départ, et dès que la nuit fut complètement venue, la fièvre se changea en délire. Très agité, le visage en feu, le dompteur prononça des mots sans suite. « Fais sortir tout le monde, » dit Jean tout bas à sa mère. « Il ne sait plus ce qu'il dit. Il serait capable de manger le morceau. » On envoya Zézette se coucher et Louise Tabary déclara qu'elle se chargeait seule de veiller le malade. Au besoin, et pour le cas où elle serait trop fatiguée, son fils la supplierait. Bien lui en prit, car vers 1 heure du matin, le mal empira et prit d'inquiétantes proportions. Chausse-Rouge eut le cauchemar. Au moment où on le croyait assoupi, de terrifiantes hallucinations vinrent troubler son sommeil. Il se dressa sur son séant, les pupilles dilatées, arracha d'un geste brusque l'appareil qui emprisonnait sa face et le doigt fixé sur la porte. « Néron, voilà Néron, attends, sale bête, tu ne veux pas? Tu ne veux pas sauter? Attends que je prenne ma fourche. Tiens, tiens, attrape !» Et il battait l'air de ses deux bras, mimant la lutte de la veille. Puis, tout à coup, il poussa un cri. « Ce n'est pas Néron, c'est Vermieux, il ricane. Il n'est pas mort, il s'avance, il me prend, il me mord. Ma tête, à moi, au secours, c'est Vermieux, Vermieux qui revient. Va-t'en, je te dis, va-t'en !» Et il entourait son front de ses deux mains, et comme pour échapper à une étreinte imaginaire, enfouissait son front sous l'oreiller. Il roulait sur son lit. En vain, Louise Tabary et Jean, consternés, craignant à chaque minute que ses cris n'eussent un écho au dehors, tentaient-ils de le calmer. Mais non, il n'y a personne, voyons, calme-toi. » Chausse-Rouge ne voulait rien entendre. Je vous dis que si, c'est Vermieux qui revient, je le vois bien, il est là. Il ricane, tiens, là, dans le coin. Mais va-t'en donc, démon. C'est lui qui s'est vengé, c'est lui qui m'a fait mordre par Néron. Mais je le tuerai, je vous jure, je le tuerai. » Enfin, la voix s'éteignit dans sa gorge. Épuisé par cet effort, il retomba haletant sur son lit. Louise épongea soigneusement le visage de François, humide de sueur et de sang, humecta et rafraîchit les plaies à l'aide de compresses imbibées d'aromates, et le dompteur tomba dans une prostration qui subsista jusqu'au matin. « Il a eu une nuit fort agitée, » dit Louise au docteur, quand il revint prendre des nouvelles du malade. « Alors il serait peut-être prudent de le faire transporter dans un hôpital ou une maison de santé. Il y serait plus aisément et plus efficacement soigné. » Non, interrompit vivement Louise, qui ne se souciait pas qu'une pareille scène se renouvelât devant des étrangers. « François a horreur des hospices. Ici, nous serons à même de lui donner tous les soins que nécessitera son état. Et l'idée qu'il est à côté de sa ménagerie, que ses bêtes ont besoin de lui, hâtera sa convalescence. » Cependant, la nouvelle de l'aventure, grossie comme toujours, s'était répandue rapidement, non seulement sur tout le voyage, mais dans tout Paris. Dans plusieurs journaux, on était venu interroger Jean Tabary, qui, heureux de la réclame dont allait bénéficier l'établissement, s'était prêté très complaisamment aux interviews. Des camelots parcouraient les rues, des feuilles sous le bras, criant « Demandez le terrible accident de la ménagerie Chausse-Rouge. Dernier détail, 5 centimes !» Dès le lendemain, la ménagerie fut littéralement envahie. On venait demander des nouvelles du dompteur. On voulait voir Néron. Jean Tabary résolut alors d'ouvrir au public les portes de l'établissement. Pour une somme modique, on était admis à visiter les animaux, et plusieurs fois par jour. L'explicateur donnait les mêmes détails qu'aux représentations ordinaires. La foule stationnait longuement devant la cage où gisait le lion blessé. Au bas de cette cage, on avait accroché une large pancarte portant ces mots « Néron, lion de l'Atlas, qui, le 7 avril, a failli dévorer le dompteur Chausse-Rouge. » Après le récit émouvant que faisait de la lutte l'adroit bonisseur, les assistants se retiraient pour faire place à de nouveaux curieux. « Quel dommage, » dit Jean Tabary à sa mère, « que nous n'ayons personne pour faire une entrée de cage. C'est toujours notre chance. Si, comme j'ai eu l'idée, en un moment, j'avais appris le métier. » « Il n'y a pas que Chausse-Rouge au monde, » dit Louise. « Tu ne pourrais pas trouver un dompteur sans ouvrage qui consentirait à servir chez nous en attendant le rétablissement de François. »« Pourvu qu'il se rétablisse, » dit le jeune homme. « Il le faut, » riposta la mère. « Nous n'avons pas signé l'acte d'association. Après, il pourra se faire boulotter s'il veut. » Et ajouta-t-elle cyniquement, « Le plus tôt sera le mieux. Avec ses scrupules et ses cauchemars, il finira par nous compromettre, cet animal-là. » Ce serait vraiment dommage au moment où la veine paraît tourner et où nous voilà presque au-dessus de nos affaires. Au fond, c'est très heureux, cet accident. Si jamais nous avions pu être soupçonnés, le bruit qu'on fait autour de nous maintenant déroutera les recherches. C'est pas ici qu'on viendra demander des nouvelles de Vermieux. Alibi tout trouvé. Chausseur ou joli, la ménagerie en l'air, envahie par les curieux. Ce ne serait pas le moment de commettre un crime, si la chose n'était pas faite. C'est vrai tout de même, dit Jean Tabary, frappé de l'observation de sa mère. Et pense, ajouta la mégère, si un second malheur, définitif cette fois, allait arriver à François. Après l'acte d'association signé, c'est nous qui resterions les seuls maîtres, les patrons. Oui, mais il y a Zézette qui hériterait. Zézette est mineure, et c'est nous qui serions les tuteurs, dit Louise, avec un sourire mauvais. Aie donc confiance en moi, fillot. En attendant, occupe-toi de me trouver un remplaçant provisoire à Chausserouge. Le jour même, Jean Tabary se mit en quête. Sur les indications obligeantes d'un forain de ses amis, il parvint à découvrir son homme. Un jeune dompteur, très connu sur le voyage, sous le nom de Giovanni, était actuellement sans emploi. Il s'aboucha avec lui et tout de suite fit affaire. « Vous arrivez, dit le belluaire, juste au moment où je me préparais à aller vous faire mes offres de service. J'ai appris l'accident survenu à Chausserouge, et je pensais en effet que vous deviez vous trouver dans l'embarras. Vous n'avez pas peur de prendre la succession de Chausserouge ? Alors je ne serai pas dompteur, répliqua le jeune homme en souriant. Pour nous autres qui avons l'habitude du métier, nous trouvons dans le danger un attrait irrésistible. Et d'ailleurs, y a-t-il tant de dangers ? À part Néron qui doit être mort ? Non, il est grièvement blessé, et nous espérons le sauver. Eh bien, à part Néron, les autres bêtes ne sont pas dangereuses. Je connais Chausserouge, je sais ses exercices par cœur, et je me fais fort après une répétition, pour habituer les bêtes à moi, de paraître en public. Je vous demande seulement de chauffer un peu mon entrée de cage. Ne craignez rien, nous allons profiter de la réclame de l'accident et faire une sérieuse publicité. Comptez sur moi. Eh bien, alors, quand vous voudrez. Dès demain, dit Jean Tabary, enchanté. Séance tenante, il fit signer à Giovanni un engagement, puis après la conclusion du traité. La conversation s'engagea très amicale, chacun donnant à l'autre les renseignements qui pouvaient l'intéresser. Giovanni raconta son histoire. Il était né à Montmartre, avait fait chez son père, patron menuisier, son apprentissage. Il n'avait pu s'accoutumer à une existence calme et tranquille. Il rêvait de devenir acteur ou saltimbanque, trouver un charme infini à la vie libre, indépendante et bohème. Le soir, dès qu'il avait dîné, il s'échappait de la maison paternelle et courait au théâtre Montmartre, où on l'avait admis comme figurant. Et c'était pour lui une grande joie de revêtir les oripeaux brillants des drames de cape et d'épée. Puis un beau jour, le voyage étant venu s'installer boulevard de Clichy, le jeune homme devint chez De Vime ou au théâtre d'Équerre une tête à l'huile. On appelle tête à l'huile les figurants qui prêtent leur concours gratuitement pour l'amour de l'art. On le remarqua, on l'encouragea, il finit par se faire engager à de dérisoires appointements, et quand le voyage leva le siège, sa résolution était prise. Il abandonna la maison paternelle et le métier de menuisier et partit. Depuis, il avait fait un peu tous les métiers, bonisseur, pitre, etc. Il ne tarda pas à trouver sa véritable voie. Entré en dernier lieu comme garçon de piste à la ménagerie Bellamina, il dut défendre la baraque de sa patronne contre l'envahissement d'une bande d'énergumènes réclamant à grands cris le renvoi de l'orchestre, composé en grande partie de musiciens allemands. Pour calmer l'effervescence, la dompteuse dut se résoudre à remplacer ses étrangers par des Français. Mais il n'était pas facile d'en recruter du jour au lendemain. Giovanni, c'était le pseudonyme qu'il avait choisi depuis son arrivée sur le voyage, car il s'appelait de son vrai nom Émile Pascot, s'offrit de reconstituer la petite troupe. Il se souvint que lui-même, jadis, avait fait partie de l'harmonie montmartroise, en qualité de piston, et pour prix de son service, il s'adjugea le titre de chef d'orchestre. Dès lors, il devint le bras droit de Bellamina. Il s'acquittait fort bien, avec une rare intelligence, de ses nouvelles fonctions, et la dompteuse n'eut pas à regretter le départ de ses anciens pensionnaires. Elle s'adjoignait ordinairement un aide, ce qui rendait ses représentations fort intéressantes. Mais un beau jour, après une prise de bec avec Gladiator, son second, elle resta seule pour diriger sa maison et faire ses entrées de cage. Ce fut encore Giovanni qui la tira d'affaire. « Patronne, lui dit-il, depuis que je vous vois, je me suis mis dans la tête de faire comme vous. Chaque jour, je vous admire et je vous envie. Je crois qu'après avoir bien cherché, ma vocation s'est révélée. Je veux être dompteur. Puisque vous voilà seule, c'est l'occasion de m'essayer. Voulez-vous me donner quelques leçons et m'autoriser à vous suppléer ? Mais mon garçon, le métier ne s'apprend pas en une minute. lis en un jour. Il ne suffit pas de vouloir, il faut un long apprentissage. Qui vous dit que je ne l'ai pas fait un peu, l'apprentissage nécessaire? Moi, le danger m'attire. J'aime les bêtes, et on dirait qu'elles reconnaissent en moi un homme destiné à vivre avec elles. Je ne vous l'ai jamais dit, mais quand j'étais garçon de piste, et que j'avais pour tâche de nettoyer les cages, bien souvent, sans vous le dire, je suis entré faire mon office, par bravade et par plaisir, sans avoir pris le soin de faire au préalable sortir les animaux. Il ne m'est jamais rien arrivé, et depuis je vous ai tant vu, qu'il me semble que rien ne me sera plus facile que de vous imiter et de me faire obéir. » Bellamina considéra curieusement ce grand garçon, si enthousiaste et si sûr de lui-même. Après tout, n'était-ce pas comme cela que les vocations se manifestaient d'ordinaire ? Giovanni était inconnu du public. Il était jeune, 20 ans à peine. Bien fait de sa personne, joli garçon. Pourquoi ne réussirait-il pas ? Et alors, en le présentant comme son élève, quelle réclame ne se ferait-elle pas ? De plus, il lui devrait tout et elle se l'attacherait. Il y avait pour elle tout bénéfice à accepter, d'autant plus que Giovanni coûterait moins cher qu'un professionnel. Elle accepta. L'expérience ne tarda pas à la convaincre qu'elle avait eu raison. Giovanni eut un début excellent. Encouragé, il prit de jour en jour plus de goût à son métier, s'ingénia à imaginer des numéros inédits, difficiles, et au bout de 3 ans, il égalait sa patronne, qui pourtant jouissait d'une certaine célébrité. Bellamina en conçut, sinon de la jalousie, du moins un secret dépit, qui se manifesta dans diverses circonstances, où elle n'eut pas toujours pour son aide le ménagement qu'il eût été en droit d'attendre. Il avait toujours fait son service irréprochablement, avait contribué pour beaucoup au succès de l'établissement, et il eût mérité plus d'égards qu'on en avait eu pour lui. Mais 2 raisons lui faisaient supporter les petits ennuis de la vie commune. La première, c'est qu'il éprouvait un grand attachement pour ses bêtes, dont il connaissait aujourd'hui les mœurs, le caractère, le tempérament. La seconde, c'est qu'il caressait au fond de son cœur un rêve presque ambitieux. La ménagerie appartenait en propre à Bellamina, qui était restée veuve avec une fille, assez jolie, âgée maintenant de 17 ans. Cette jeune personne, très bien élevée, et à laquelle sa mère avait refusé de faire embrasser l'aventureuse carrière de dompteuse, était l'unique héritière, et Giovanni se disait que s'il pouvait rester en place, jusqu'à l'heure où sonnerait forcément pour Bellamina, qui allait maintenant sur ses 40 ans, l'heure de la retraite, il deviendrait l'homme indispensable, et probablement le mari de la reine. Bellamina aimait trop ses animaux, pour se résigner à les voir passer dans des mains étrangères. Mais il se trompa dans ses calculs. Il laissa voir qu'il fondait des espérances sur l'éventuelle succession de la dompteuse, et celle-ci ne lui pardonna pas. Les tiraillements entre sa patronne et lui s'accentuèrent de jour en jour, et un beau matin, une scène violente éclata. Bellamina lui reprocha amèrement de ne lui montrer que de l'ingratitude, pour tout le bien qu'elle lui avait fait. Elle l'avait ramassé dans la crotte, c'était le cas de le dire. Elle lui avait donné gratuitement des leçons. S'il était aujourd'hui quelque chose, c'était à elle qu'il le devait, et maintenant il abusait de la situation. Il désirait sa mort. Elle en avait assez de faire le bien. Et avait-on jamais vu un pareil toupet ? Lui, Giovanni, un garçon de piste, recueilli par elle, qui végéterait encore à 40 sous par jour si elle ne le rencontrait sur sa route, se permettre de lever les yeux sur une jeune fille arrivée du couvent, distinguée et apportant en dot une fortune, une des plus belles ménageries du voyage. Non, décidément, il n'y avait que les 100 le sous pour ne douter de rien. Giovanni avait quelques économies. Furieux d'avoir été déçu dans son espoir, humilié d'une pareille sortie, révolté de la malignité de cette femme qui faisait sonner bien haut les services rendus en omettant de tenir compte des succès personnels qu'il avait eus, lui, et qui n'avait pas nui à la prospérité de la ménagerie, il demanda son compte. Et depuis 15 jours, il se reposait, lorsque Jean Tabary vint lui proposer de l'engager. « Je suis content de savoir tous ces détails, dit Jean, parce qu'ils vont nous servir. Nous allons faire pester la Bellamina. Elle se figure évidemment nous avoir irrémédiablement jetés à la côte. Nous allons lui prouver, et victorieusement, qu'on peut travailler hors de chez elle. Laissez-moi faire. » En effet, des annonces adroitement libellées furent par les soins de Jean Tabary insérées dans les journaux. En substance, il y était dit que seul, après l'accident survenu à Chausse-Rouge, un jeune homme s'était senti le courage d'affronter, sans exercice préalable, ces terribles animaux qui avaient failli dévorer leur propriétaire. C'était le fameux Giovanni, un dompteur de 23 ans, dont on avait pu apprécier chez Bellamina le sang-froid et la surprenante audace. On conviait donc le public à venir applaudir ses débuts extraordinaires. L'affluence fut énorme, et Giovanni, comme il l'avait prévu, après la petite répétition à huis clos qu'il avait exigée, n'eut aucune peine à se faire obéir des animaux, rompu à tous les exercices et par de longs mois d'entraînement. Il n'avait pas eu naturellement à présenter Néron gisant toujours sur sa litière. Dès lors, la ménagerie redevint à la mode. Il avait suffi d'un accident pour amener l'attention sur cette exhibition délaissée, à moins, ajoutait in petto Jean Tabary, que ce ne soit la façon brusque dont nous avons débarrassé le voyage de cette crapule de Vermieux, qui nous ait porté bonheur. La fortune favorise les audacieux. On fit part à Chausserouge du changement opéré et de l'engagement de Giovanni, avec toutes sortes de ménagements. Le dompteur, dont la fièvre s'était calmée, et qui passait maintenant ses journées dans un profond mutisme, tout à ses pensées et comme accablé par le mal, se plaignit vivement qu'on eût pris une semblable décision sans le prévenir. « On pouvait me consulter, répétait-il, ça ne me plaît pas beaucoup que mes bêtes, qui sont habituées à moi, soient manœuvrées par un autre. Mais, répliqua Tabary, sais-tu que nous perdions tous les jours de l'argent et que par le temps qui court, il ne s'agit pas de laisser échapper une occasion. Songe donc que ton accident a fait un bruit énorme et que nos recettes se ressentent de la réclame, de la publicité qui s'est faite autour de nous. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ne cessait de répéter François Chausserouge. Pourtant, quand on lui eut dit sur quel homme le choix de Tabary s'était arrêté, puisqu'il le fallait absolument, dit-il, j'aime mieux que vous ayez choisi Giovanni de préférence à tout autre. Je connais son travail, il est adroit, jeune, courageux, j'ai plus confiance en lui qu'en un vieux, qui eût abruti mes bêtes, et les eût rendues quinteuses et rétives. Au moins, vous êtes content de lui? Très content. Il s'inspire de tes traditions, a sensiblement le même jeu que toi, et il porte beaucoup sur le public. Bon, je voudrais le voir. » Et Chausserouge, après avoir félicité le jeune homme, le retint près de lui, lui donna diverses explications, des conseils sur la manière de traiter tel ou tel pensionnaire, et d'en tirer la plus grande somme possible d'obéissance. Il le félicita sur le courage qu'il avait montré en acceptant une si périlleuse succession, et Giovanni laissa le dompteur si content de ses réponses que celui-ci félicita presque Jean de son initiative. « Si tu m'avais consulté, j'aurais probablement refusé, et je confesse que j'aurais eu tort. Ce garçon me plaît beaucoup. » Puis il retomba dans ses pensées profondes qui l'absorbaient des journées entières, ne retrouvant la parole que pour demander des nouvelles de la recette ou du lion blessé, dont l'état ne s'était pas aggravé. Enfin, un jour, comme s'il eût cédé à une secrète préoccupation, il appela à lui Louise et Jean Tabary. « Écoutez, dit-il, je crois qu'il est temps maintenant d'assurer sur des bases régulières notre association. Dans la situation actuelle, cela n'étonnera personne. » Et comme les deux interlocuteurs se récriaient, déclarant qu'on avait bien le temps d'y penser, « Non, non, insista le dompteur, on ne sait ni qui vit ni qui meurt. Vous le voyez bien, après ce qui vient de m'arriver à moi, qui depuis plus de 15 ans que j'exerce le métier, n'ai jamais attrapé une égratignure. Si Néron revient à la vie et qu'il est à remords de conscience, je serais capable de n'être plus aussi heureux, et puis, je ne sais pas, mais je ne me sens pas tranquille. Je tiens à ce que nous régularisions les choses. » Il s'interrompit un instant. « Ma ménagerie, mes bêtes, c'est ma vie. Eh bien, si je meurs, je ne veux pas m'en aller avec la pensée que tout cela sera dispersé ou tombera entre des mains étrangères. Si Zézette avait l'âge, si c'était une grande fille, je serais tranquille. Elle est encore plus enragée que moi, mais c'est une gamine, mine. Je ne veux pas qu'on puisse dire quelque chose et que votre ingérence soit contestée. Vous avez des droits, un apport social, vous m'avez rendu de nombreux services. Vous êtes des amis auxquels je sais qu'on peut aveuglément se fier. Tout ça doit entrer en ligne de compte. Je désire qu'après moi vous soyez les tuteurs de l'enfant et que vos parts de propriété soient nettement établies. En défendant vos intérêts, vous défendrez ceux de ma fille. Mais mon vieux François, tu parles comme un homme qui va passer demain. Est-ce que tu deviens fou ? « Non, je ne suis pas fou, et je n'ai pas envie de le devenir. Mais pour ma tranquillité, je veux que l'on fasse ce que je dis. » Il fallut obéir. On manda un notaire qui égoutta les déclarations du dompteur, dressa un acte en règle où Jean Tabary était déclaré copropriétaire de la grande ménagerie Chausserouge. Les parts de propriété furent divisées par tiers. François en possédait 2/3 et Jean 1/3 seulement. « Maintenant, dit Chausserouge, je suis plus tranquille. » Il fit venir Zézette, à qui il rendit compte de la décision qu'il venait de prendre, dans l'intérêt de son avenir, pour le cas où un malheur surviendrait. Elle était assez grande maintenant pour comprendre, et il était bien sûr que le cas échéant, elle saurait, comme toujours, se montrer soumise et reconnaissante pour les bons soins que prendraient d'elle à son départ ses tuteurs et tutrices. Sans répondre, Zézette lança un regard haineux à Jean Tabary, Puis elle cacha sa figure dans ses mains et éclata en sanglots. « Mon Dieu, dit Louise, quelle idée de faire inutilement de la peine à cette petite !» Et elle chercha à attirer l'enfant vers elle. Mais Zézette se réfugia contre le chevet de son père, montrant une répugnance si nette à répondre aux avances de la mégère que celle-ci jugea inutile d'insister. « Pourquoi n'es-tu pas plus gentille que cela pour Louise ?» demanda Chausse-Rouge à sa fille, quand les tabarits furent sortis. « Parce que, répondit l'enfant en regardant fixement son père, parce que je ne les aime pas, ce sont de méchantes gens. » Maintenant, dit Louise à son fils, dès qu'elle fut sortie de la caravane, où reposait le dompteur, Chausse-Rouge peut mourir, je ne le retiens plus. Tu sais que si ça arrivait, nous aurions rudement de fil à retordre avec la gamine, dit Jean, que la version obstinée de Zézette avait frappé. Louise Tabary haussa les épaules. Alors tant pis pour elle, prononça-t-elle d'un ton ferme. Tu ne voudrais pas que je me laisse faire la loi par une morveuse.